Salut, ici Mathieu Plante avec une autre capsule de CN Extra qui vient accompagner l'émission spéciale sur Autour du Net qui a été diffusée à la radio cette semaine. Évidemment, après avoir passé autant de chroniques Autour du Net à la radio, il m'en restait encore quelques-unes. Alors, je vous les passe tout de suite à CN Extra en exclusivité. Ah, ça en passe toujours des choses sur Internet. T'sais, on le dit à chaque semaine, on a l'impression que ça va arrêter. Il y a des semaines qui vont être un petit peu plus lentes. Non, juste pas du tout. Commençons par un article que j'ai vu sur crunchgear.com, un de mes sites préférés. Ça parle d'un site qui s'appelle starringthecomputer.com, donc mettant en vedette un ordinateur.com. Donc, est-ce que vous saviez que dans le film, mettons, Children of Men, hein, il utilise un ordinateur Mac 20e anniversaire? Non, vous ne saviez pas, moi non plus. Et le site, lui, le sait parce que c'est le gars, là, le gars qui s'occupe de ce site-là, James, hein, qui prend des films, regarde les ordinateurs qui sont à l'intérieur et vous dit exactement c'est quoi le modèle. Montre la photo et il vous demande même des questions. Il y a une page aide où il vous demande dans Space Like Us, le laboratoire d'ordinateurs, il faut l'identifier, c'est quoi ça? Est-ce que c'est des vrais ordinateurs? Bref, starringthecomputer.com. J'aime l'idée, j'aime le concept et je vais sûrement y retourner parce que c'est fascinant de voir les ordinateurs dans des films, surtout les interfaces qui sont faites juste pour les films. J'aime bien ça. Juste pour vous mentionner quelques titres de films, Nims Island avec un PowerBook G4, le film français Le Grand Bleu, un Apple Mac Plus, un Atari 800 dans la comédie de science-fiction pour enfants, Chucky. Bref, fascinant. Starringthecomputer.com. Fatman, quel phénomène de la nature. YouTube.com/user/easypicking. Ce gars-là, Fatman en question, il mange des affaires ou il boit des affaires pour notre plus grand amusement. Hein? On peut le voir manger 5 double cheeseburgers dans une de ses vidéos. Hein? Oui. Sinon, c'est... quand tu manges du fast-food, tu veux boire aussi. Hein? T'sais? Donc, pourquoi ne pas boire un bol de sauce brune? Hein? Ou sinon, pourquoi pas manger un bloc de fromage comme si c'était une barre de chocolat? Hein? Ou des Twinkies, tu sais. C'est marqué ici, Fatman, il aime les Twinkies. Tu sais, les boîtes de Twinkies. Parce que si Dieu voulait pas que vous mangiez une boîte de Twinkies d'un coup sec, ben, il n'aurait pas inventé les boîtes de Twinkies. Hein? En tout cas. Bref, allez voir ça. Root Beer aussi, il y a plein d'affaires. C'est Fatman sur YouTube. Allez voir youtube.com/user, au singulier, /easy, EZ, là, picking, P-C-K-I-N-G. Sinon, passez donc par le site de l'émission au www.unechance.com, www.unechance.com. Ah tiens, je vais vous partir ça, moi, cette affaire-là. C'est quelqu'un qui a fait un hymne, un hommage à The Pirate Bay. Vous connaissez The Pirate Bay, qui est un site de partage de fichiers, qui est en grosse poursuite et en grosse affaire controversée en ce moment même, The Pirate Bay. Ben, ce gars-là, ben, c'est un artiste suédois qui s'appelle Marlier, qui croyait que The Pirate Bay avait besoin d'une chanson au thème d'un hymne. Donc, il en a écrit une, et je crois qu'on devrait pouvoir l'entendre dans quelques secondes, à peine. Vraiment beau. Ah! Write songs to make money. I write them for people to sing along. Don't write songs to make money. I write them for people to sing along. Don't write songs to make money. I write them for people to sing along. Don't write songs to make money. I write them for people to sing along. Okay. je pense que j'ai compris le message. Bref, vous pouvez aller télécharger le torrent avec cette pièce-là à l'intérieur. Vous pouvez aussi remixer la chanson de cet artiste suédois, Montmartier, en passant par le site de l'émission www.unechance.com. Vivement l'Internet, que j'aime donc ça. OK, prochaine vidéo qu'on va entendre ici à la radio. Bon, vous avez certainement vu sur Internet ou à la télé les publicités de Microsoft, les plus récentes, là, disant genre, bon, je suis un PC, puis bon, je m'en vais acheter... Bon, ça commence juste par quelqu'un qui s'en va acheter un ordinateur au magasin, qui passe devant les Mac, qui dit c'est ben trop cool, c'est ben trop hot, c'est ben trop bien fait, c'est ben trop stable. Oh non, c'est ben trop cher, par exemple. Ben trop cher. Puis il finit par acheter un PC, puis là, Microsoft leur donne l'argent. Bref. Allez les voir sur YouTube. Ici, c'est une parodie de Funny or Die. J'aime vraiment ça. Si vous comprenez pas l'anglais, ça ne devrait pas être trop long quand même. C'est pas si long que ça, c'est juste la fin. Voici Jenny. Elle a dit qu'elle voulait une ordinateur. Je veux une bonne carte de vidéo. Je veux un grand écran. Je veux que ce soit pas trop cher. Bon, hey, OK, ben l'Internet collabore pas aujourd'hui, fait que je vais vous raconter l'histoire. Bref, ça finit par la fille, à la place d'aller de trouver un PC, tu sais, elle trouve que le Mac est vraiment cool, tout ça, puis là, ça va voir les PC aussi. Puis là, elle dit, ah, finalement, à la place, je vais aller à un autre magasin. Elle s'en va à un magasin de fusils, puis elle s'en va voler un ordinateur à quelqu'un. C'est ça, le punch. C'est ça, j'aurais aimé ça de regarder avec vous autres, tu sais, ça va être le fun. Bref, allez voir ça, c'est sur Funny or Die, mais... Disons que passer par le site de l'émission serait un petit peu plus simple. www.unechance.com. C'est une des drôles de parodies que j'ai vues cette semaine. C'est Jenny dans sa publicité. I'm a PC. Ah, jusqu'à maintenant, ça va très bien. Hein? Tout collabore avec moi aujourd'hui. Tout est très, très le fun. Bref, vous êtes dans la chronique Autour du Net à CNX, l'émission la plus geek de la radio. Sinon, qu'est-ce que j'ai vu aussi? Ah tiens, ben, je vous ferai pas entendre, par exemple, hein? Mais c'est Autotune The News numéro 3. Je vous les ai fait jouer quelques fois. Je crois que j'ai fait jouer les deux premières parties ici à CNX. C'est quelque chose qui fait le tour du net, mais vraiment, vraiment. Bref, on prend des bouts d'émissions de télé, là, des émissions de nouvelles surtout, des émissions de débat. Et puis là, on change les lèvres des gens, des fois, pour les faire chanter avec le monde. Mais bref, ils prennent l'Autotune dans les logiciels de musique. Qui est fait pour vous faire arriver sur la bonne note. Bref, quand vous chantez pas correctement, mettons Kanye West utilise cette technique-là, Cher utilisait. Tu sais, ça fait des variations vocales qui sonnent bizarres, mais des fois, quand tu l'utilises comme il faut, ça peut sonner drôle, ça peut être le fun, ça peut faire de la bonne musique. Bref, Autotune The News, ils prennent ça, ils prennent des extraits de politiciens ou d'animateurs de nouvelles, et puis ils se mettent à chanter par-dessus et à côté, et en les accompagnant, et en changeant des bouches pour faire des « ouh, ah, ah, ah, ouh, ouh ». J'aime ça. Autotune de News numéro 3, c'est sur lunechance.com. Il y a aussi Dominique Arpin, à toi.ca, qui nous parle de Chris Milk, qui est un réalisateur très recherché dans le milieu du vidéoclip et de la publicité. Il y a aussi quelques courts-métrages à son actif. Et bien, dans le cadre du festival 42x42, qui est au 42x42.com, il a conçu un petit film de 42 secondes, Last Daydream, sur la vie qui passe. Allez voir ça, c'est joli. Tellement de choses se sont passées qu'on fait une deuxième chronique autour du net pour cette semaine. Commençons par... Oh, ça, c'est bizarre, ça. C'est un speedrun de Link's Awakening. Ceux qui connaissent pas les speedruns, c'est... Bon, on prend un jeu et on essaie de le battre le plus rapidement possible, souvent en trichant. Et c'est ça, le divertissement de la chose. C'est comme une pièce de théâtre. C'est monté d'avance. Genre, les gens utilisent des logiciels pour refaire les mêmes bouts plusieurs fois jusqu'à temps qu'ils l'aient de façon parfaite. Donc, des fois, on peut voir vraiment des choses ridicules se passer qui sont absolument impossibles. Dans ce cas-ci, c'est différent. C'est Russ Miller de Original Nintendo, qui est au originalnintendo.net, qui utilise un défaut, un bug, un glitch dans Link's Awakening sur le Game Boy. Ça s'appelle le Select Button Glitch pour faire un speedrun vraiment, vraiment épeurant, presque en genre 2 minutes de Link's Awakening sur Game Boy. Allez voir ça sur lunechance.com. Un autre projet de bricolage, vous savez, j'adore les projets de bricolage, je les fais jamais, mais j'en parle. NintendoPapercraft.com est un de ces sites de bricolage, et dans ce cas-ci, c'est la tête de Mario dans Mario 64. Vous savez, dans l'intro du jeu, on peut jouer, étirer la face de Mario, son nez, ses oreilles, son menton, son chapeau. Dans ce cas-ci, ben évidemment, vous pouvez pas l'étirer parce que c'est du papier, mais vous pouvez quand même faire la tête de Mario qui a été postée sur NintendoPapercraft.com, sinon passer par le site de l'émission, unechance.com. Petite vidéo rapide de Super Smash Brothers, l'intro de Super Smash Brothers et je crois un début de combat, mais fait avec Team Fortress. Donc ils ont pris Team Fortress, le jeu vidéo, ils ont refait dans le Garry's Mod, qui est un mod en tout cas dans Team Fortress qui vous permet de faire des choses comme ça. Bref, il y a aussi la comparaison, si vous cliquez sur la vidéo pour le regarder, à la fin il y a un petit lien qui va apparaître d'un genre de comparaison split screen de l'intro de Super Smash Bros. Et la version refaite dans Team Fortress 2. Voilà. Unechance.com. Un des plus grands films de l'été s'affronte à un des plus grands jeux de l'été. Sims 3 rend hommage à Star Trek. C'est une bande-annonce épique avec tout plein de sexe entre des aliens verts, des scènes de combat et des voix en simlish. Ça me tape ses nerfs, le simlish, mais bon, c'est la langue utilisée dans le jeu des Sims. Bref, si même la moitié des outils utilisés pour créer ce vidéo-là sont disponibles pour les utilisateurs lors de la sortie de Sims 3 le mois prochain, c'est certain qu'on va s'attendre à un succès tel Little Big Planet. On va voir des tableaux être créés avec des hommages à plein d'affaires, sûrement des pénis et des choses comme ça. Mais bref, ça va être le fun. Allez voir unechance.com pour la bande-annonce de Sims 3 qui rend hommage à Star Trek. Tout le monde sait que les chiens attirent les filles et les gars quand c'est une fille qui promène son chien. Mais bref, ce qu'on a fait dans ce que c'est une expérience pour voir avec quel chien on pouvait faire le plus sourire une fille et qu'on pouvait avoir le plus de filles proches de soi. Hein, c'est ce que ce gars-là a fait, c'est pas moi, c'est un blog. Donc on a pris cinq sortes de chiens. Un Border Collie, un Pug, un Samoyed, un Staffy et un Yorkie. Je connais pas les chiens bien, ça paraît. On leur a donné une caméra Sony Ericsson C510 avec détection des sourires sur leur collier à chien. Et aussitôt que le chien levait sa tête pour recevoir l'attention d'une femme, le téléphone prenait une photo aussitôt qu'elle souriait, seulement lorsqu'elle sourit. Donc, comme on peut s'y attendre, les chiens ont un angle avantageux de sourire et d'autres choses. Hein? On peut s'y attendre. Donc, allez voir le lien sur lunechance.com. Il y a là-dessus une vidéo et des photos qui vous montrent quel chien est le plus populaire. Je vais vous laisser aller voir ça. C'est sur augizmo.com. Mais le site de l'émission donne le lien direct, évidemment. Des photos composites, c'est génial, c'est cool. Et dans ce cas-ci, on a fait une vidéo. C'est David Carroll qui a fait ce projet-là. Donc, il a pris différentes photos de l'autoroute ou de différents endroits. Il a collé les voitures qui apparaissaient pour que toutes les voitures aient l'air d'être sur la même route. Mais finalement, c'était sur la même route, mais pas au même moment. T'sais. Donc, on essaie de les rendre au même moment en découpant les photos et en essayant de faire que ça ait l'air vrai. Allez voir la vidéo pour comprendre. Mais bref, l'autoroute était vide et il a pris des voitures à différents moments de la journée puis les a rassemblées dans la même photo pour que ça soit un composite. Bon, c'est clair. Petite vidéo pour la Society for Geek Advancement, geekadvancement.com. C'est quelque chose que je promouvois ici à chaque semaine à C'est Fou, à CNX, de dire qu'on est fiers et on est fiers d'être geek. Tu sais, on est de même, on est geek et on s'assume là-dedans. On n'est plus une sous-culture d'une sous-dossier de culture. On est rendu aussi égaux que les autres. Geek, c'est être cool, être geek. Donc, des vedettes du web comme Felicia Day de Dr. Horrible, Gary Vaynerchuk, le gars des sites de vin, Kevin Rose de Revision 3 et plein d'autres, sont toutes là-dedans pour rendre hommage aux geeks et dire qu'ils sont fiers d'être geeks. Bon. OK, mais il reste moins de temps que je pensais. Spam Illustrated, qui est un gars qui prend des lignes de spam, par exemple Enlarge and Fast, et puis qui les dessine. Il leur rend hommage en faisant des dessins. C'est Elliot Butford, directeur artistique et designer. Donc, on peut voir dans ce cas-ci pour Enlarge and Fast un champignon de Mario. C'est cool. Il y a un petit Nintendo en bloc Lego à voir sur lunechance.com. Une journée vue dans la vie des logos. Par exemple, quand tu te lèves à 6h35, tu vois Casio sur ton cadran. Ensuite, à 6h39, tu as Crest, Oral-B, Neutrogena et Dove, Head & Shoulders. Jusqu'à la fin de la soirée où tu peux voir peut-être du KY ou quelque chose du genre. Et après ça, de la patate encore une fois, du Rex pour les condoms. Bref, c'est une journée vue en logo. Et puis, des remakes d'arrière-plan de jeux vidéo aussi. J'en ai parlé récemment, mais la suite a été postée par Orioto. C'est des fonds d'écran, des peintures basées sur des jeux vidéo, que ce soit Donkey Kong ou d'autres. La chronique préférée de tout le monde et sa mère, je dirais. Hein? Parlant de mère... Bof, pas vraiment, mais bref, sur awkwardboners.com, ça pourrait arriver que ça ait rapport avec votre mère. C'est mon nouveau blog préféré. C'est des photos. Hein? C'est un blog, premièrement, mais c'est des photos de gars qui ont une érection à un mauvais moment. C'est juste drôle à voir parce que c'est super gênant et inconfortable. Et en plus que les faces des gars sont même pas blouées. Je vais inventer un mot, bloué. Bref, on les voit partout, que ce soit dans des bars, dans des photos très officielles, dans un escalier. Sinon, un gars qui joue de la musique dans la rue, qui a une érection, mais vraiment, hein, bref, ce c'est drôle. Rentrons pas trop dans les détails, hein, mais c'est pas mal drôle comme blog. J'adore ça. Awkwardboners.com. Passez par le site de l'émission au winchance.com pour le lien s'il vous échappe. Ah, maintenant, tiens, j'ai besoin de faire jouer du son. Je me suis amusé un petit peu pendant la pause. J'ai pas fait quelque chose de très très bon, là, mais quand même, c'est pas si mauvais que ça. Sur StarWars.com, /games, un paquet d'affaires là, que vous pouvez retrouver sur le site. Vous pouvez faire des mix avec des sons de Star Wars. Tu sais, même si tout le monde parle de Star Trek en ce moment, Star Wars, ça peut faire la job aussi. Hein, ça. Hein? I don't know what you're talking about. I recognized your foul stench when I was brought on board. C'est beau, hein, comme petit mix que j'ai fait, c'est malade. Bref, vous prenez des sons, vous les choisissez, vous créez votre propre mix, vous pouvez les mettre un par-dessus l'autre parce que vous avez deux, comme on appelle dans le domaine, deux tracks. Et puis vous pouvez ajouter ajuster le volume, ouais. Partager votre mix, l'envoyer par courriel, réciter tout ça. Faire un paquet de choses, mélanger la gauche et la droite, comment vous voulez. Bref, c'est un beau petit moment à passer sur StarWars.com. Le lien complet est sur lunechance.com. Sur hurlesque.com maintenant, on parle de Kanye West. Mm-hmm. Kanye West qui a envoyé un beau petit billet sur son blog très récemment, dans les derniers jours, tout en majuscule. Disons que le gars capote un petit peu parce que des gens qui l'imitent sur Twitter. Donc tout le monde pensait qu'il était sur Twitter parce que tout le monde est sur Twitter, mais lui ne l'est pas et il est offusqué qu'on ose penser croire qu'il puisse être sur Twitter. Lui qui est tellement au-dessus de ça. Hein? Bref, vous pouvez aller voir sur le Quotable Kanye Generator. Hein? Très, très catchy comme nom. Sur jamiedubs.com, /quotable, très union Kanye. Bref, vous entrez n'importe quoi et puis ça va le transformer en... Non, en fait, je pense que ça fait juste générer un discours de Kanye West. Mais bref, peu importe, c'est pas le but de la raison pour laquelle j'ai pris ce site-là sur Hurlesque. C'est qu'il y a un autre... L'autre site, c'est un bookmarklet. En fait, pour ceux qui ne savent pas encore, j'en parle souvent à CNX, c'est quoi les bookmarklets, mais c'est comme un signet, comme un marque-page dans votre furteur Internet. Et quand vous cliquez dessus, ça fait quelque chose sur le site sur lequel vous êtes déjà. Donc, disons, vous êtes sur unechance.com, vous cliquez sur le bookmarklet, ça va faire quelque chose sur unechance.com, vous voyez, genre? Donc, dans ce cas-ci, c'est que ça ajoute des lunettes comme Kanye West par-dessus votre site web. Donc, c'est comme si vous étiez Kanye vous-même en train de regarder le site web. C'est malade, ça. Tu sais, c'est une lunette avec des screens dedans ou genre des rideaux. Je sais pas comment tu fais pour porter ça. C'est... En tout cas, bref, le Kanye Vision bookmarklet, j'adore. Ah tiens, une autre vidéo qui a besoin de son, on parle d'un signet que j'ai retrouvé sur boingboing.net, un de mes sites préférés de tout l'Internet au complet. C'est Courtney Woolsey, qui a une chaîne sur YouTube. Et puis, ce qu'elle fait, c'est qu'elle chante une chanson, Lollipop, par les Cordettes, en écran divisé. Donc, c'est elle qui fait 4 fois la même affaire, un après l'autre, et puis qu'elle les a mixées, ça a fait une vidéo sur YouTube. Je vous laisse entendre un extrait de ça. Moi qui l'avais chargé, j'ai changé de page par exprès. Hé, le voilà. Ici. Donc, elle claque des doigts. Et là, son vidéo devient un vidéo à un moment donné. Donc, elle clique des doigts dans un vidéo. L'autre qui chante dans un autre. Elle chante encore une fois dans une troisième et elle chante encore dans une quatrième. Au vide intéressant. Bref, et ça continue comme ça pendant un super long moment, mais je trouve que c'est une bonne idée, c'est bien exécuté quand même. Lollipop par Courtney Woolsey. Allez voir lunechance.com pour le lien. C'est toujours dans la section autour du net de l'émission CNX, c'est l'émission la plus geek de la radio. Continuons avec des designs rétro-futuristes, parce que moi c'est mon genre, j'aime beaucoup ça. Ça c'est quelque chose que je suis sur Internet, les rétro-futuristes, je trouve ça cool. Donc c'est Web Urbanist, un site web, qui a ramassé la liste définitive, on pourrait dire, de rétro-futuristes. Donc des concepts rétro-cool, des voitures à la mode, à la science-fiction, inspirées par ce qu'on croyait être demain. Dans ce temps-là. Donc, 173 échantillons de design rétro-futuriste et de la technologie qui va vous ramener dans le bon vieux temps alors qu'on pensait que le futur allait être vraiment quelque chose d'autre qu'il n'est peut-être pas tant devenu que ça. Hein? C'est clair. Hein? Une vidéo chinoise maintenant où un gars bien normal joue sa vie dans un World of Warcraft. Donc, c'est dans le fond, le gars est dans la vraie vie, dans le vrai monde, mais il fait des actions comme dans World of Warcraft. Donc, il apparaît des articles à l'écran, il apparaît des choses, il marche d'une drôle de façon comme dans World of Warcraft, il tourne sur un 10-cent. Bref, drôle et utile en même temps, d'une certaine façon, j'imagine. Bref, allez voir cette vidéo-là, c'est une de mes préférées cette semaine sur Internet. C'est sur le www.unechance.com. Tantôt, on parlait de, je vais dire encore une fois le mot érection, d'érection à de mauvais moments ou de façon inconfortable. Cette fois-ci, on parle encore une fois d'inconfortabilité. Hein? Si vous avez écouté la Job ou The Office encore récemment, si vous écoutez The Office, vous aimez les moments inconfortables. Si vous écoutez Les Parleurs assez fous, vous aimez aussi les moments inconfortables. Bref, ce nouveau blog qui s'appelle awkwardfamilyphotos.com, c'est vraiment un blog simplement où on montre des photos de famille où il se passe des choses inconfortables. Ou une situation, je sais pas, bizarre. T'sais? Quelqu'un qui a fait une drôle de pose. C'est juste des photos bizarres de famille. J'aime ça. awkwardfamilyphotos.com. On passera pas une éternité là-dessus, mais c'est, encore une fois, un de mes blogs préférés, comme pas mal tout ce qu'il y en a autour du net. Hein. Ça, c'est un projet fascinant. Fascinant. Il faut se renseigner là-dessus parce que c'est long à expliquer, mais ben, pas tant que ça. Mais bref, il y a une longue technique derrière ça. ModTub au dirtycomputing.com. C'est le projet de Tom Gerhardt. C'est une interface organique expérimentale. Ça, c'est ce qui est écrit sur la page principale. ModTub est une interface organique expérimentale qui permet aux gens de contrôler un ordinateur en jouant dans la bouette. Dans la bouette. Donc, en slushant, je lis le texte un petit peu là. En slushant, squishant, tirant, poussant, frappant dans un bassin de bouette. Oui, ça, c'est de la terre mouillée. Les utilisateurs peuvent contrôler des jeux, des simulateurs, interagir avec un ordinateur d'une façon complètement organique et nouvelle. Je sais pas, il dit que sa motivation est venue du fait qu'il voulait rapprocher nos corps et le monde numérique. Hein? Bref, allez voir ça sur dirtycomputing.com et dites-moi donc ce que vous en pensez parce que c'est vraiment intéressant. Passez par unechance.com pour le lien et vous pouvez même laisser des commentaires sur unechance.com. Hein? C'est vrai, mais les gens ne le savent pas. Mais cliquez sur « commentaire » en dessous de l'émission de la semaine et puis laissez-moi vos pensées là-dessus. Todayisa.com est un autre site avec une seule et unique raison d'être. Il y en a beaucoup des sites comme ça sur Internet qui ne servent qu'à une chose. Hein? Il y a des sites où tu as juste un bouton pour faire des applaudissements, tu sais. Quand t'en as besoin. Bref, todayisa.com, ça vous dit si la journée est bonne ou pas bonne. Et là, ça unit. Là, il y a un algorithme incroyable derrière ça. Là. Mais on prend des nouvelles, des sites de nouvelles. On prend des indices boursiers et la météo pour dire en général si aujourd'hui est une bonne journée ou une mauvaise journée. C'est tout ce que ça vous dit. Hein? Vous allez sur todayisa.com et là, ça nous dit qu'aujourd'hui, jeudi 14 mai 2009, à 11h59, aujourd'hui est une bonne journée. Et là, ben, ça te remonte le moral, tu sais. Hein? Si quelqu'un te dit que c'est une bonne journée aujourd'hui, tu sais. Hein, c'est ça, ça te change ton image. J-E-R, Thorpe, hein, a pris toutes les mentions sur Twitter, le site des microblogages dont tout le monde parle depuis toujours, mais qui vient de commencer à être à la mode sur Internet. Bref, Thorpe, a pris toutes les mentions de « vient d'atterrir à hein, »,« just landed in » sur Twitter, ou « just arrived in ». Il a mappé hein, sur une carte du monde toutes les coordonnées des gens qui venaient de dire « je viens d'atterrir à » sur Twitter. Et il a fait une carte animée dans Processing. En tout cas, bon, je ne vous expliquerai pas c'est quoi Processing, mais qui montre les gens arrivés à un endroit et à un autre sur la carte du monde. Et là, ça, c'est une vidéo. Donc, c'est génial. C'est un rendu, un vidéo rendu, un vrai beau vidéo quasiment professionnel. Bref, toutes les données sur 4 heures dans un vidéo qui dure 45 secondes. Hein? C'est génial. Évidemment, bon, vu que c'est sur Twitter et que tout le monde est là-dessus, je m'attendais à avoir plus de liens que ça. Mais bref, il y en a quand même un bon petit paquet. Allez voir la vidéo sur le www.unechance.com. C'est via Boing Boing Gadget. Je réalise que mon bloc autour du net est extrêmement long, comme toujours. Mais bref, continuons avec ça. L'utilisateur de Flickr, tastypaint.com, bon, qui est aussi un site web au tastypaint.com, avait un rêve. Hein, un rêve. Il se demandait qu'est-ce qui se passerait si des vidéos classiques 8 bits, là, comme Mario, Pac-Man ou n'importe quoi comme ça, finissaient avec des fatalities style Mortal Kombat. Hein? C'est une idée pas du tout psychopathe, ça, hein, ce tastypaint.com-là. Bref, intéressant, allez voir les photos. C'est vraiment, bon, littéralement, on voit Pac-Man qui mange le fantôme mais qui se fait glacer ou mouiller. Ou encore, bref, Mario en train de sauter sur la tête de Goomba et là, de le détruire, mais littéralement, là, comme on pourrait dire. L'œil, le sang, pas beau à voir. 8-bit fatality, Tasty Paints sur Flickr, www.unechance.com pour le lien. Ah, c'est bon, il nous reste deux petits derniers liens sur Autour du Net cette semaine. Allons-y avec un bébé qui n'est pas heureux. Il n'est pas heureux parce qu'on lui a enlevé son iPhone. Here's our son. without his iPhone. Bébé sans son iPhone n'est pas heureux, okay, tout le monde. Here's Drake with the iPhone. Et lui donne son iPhone et soudainement tout va bien. Are you happy now? Yeah, you all better? Who are you calling? Are you calling your Bubba? Oh, c'est cute! La vidéo complète est sur le www.unechance.com. Et finalement, pour clore ce bloc autour du net, on en a parlé ici à CNX il y a de très longtemps de cela. C'était Moby Dick en forme de Twitter. Encore une fois, tout parle de Twitter. Il n'y a rien qui ne parle pas de Twitter. Bon, bref, il y a quelques mois sur Twitter, Ape Lad avait remarqué ou dit que ce serait plutôt génial si quelqu'un tweetait Moby Dick. Et 12 849 mises à jour plus tard, et grâce à Dan Coulter, c'est fait. Donc, bon, Twitter, c'est 140 caractères à la fois. Hein? C'est comme un mini-statut qu'on indique sur Twitter.com. Bref, ça a pris 9 mois et demi pour tweeter Moby Dick au complet. Je disais 12 849 mises à jour ou update ou status update sur Twitter. C'est environ 45 par jour. Et oui, c'est un robot qui a fait tout ça. C'est pas une personne en tant que telle, mais ça a pris 9 mois et demi. À un moment donné, il fallait pas tout les faire le même jour, hein, même si c'est un robot. Faut prendre son temps, laisser les gens absorber Moby Dick. Allez voir ça sur Twitter, c'est génial. J'aime ça. Twitter.com/public domain, parce que c'est un roman qui est rendu dans le domaine public, Moby Dick, maintenant, pour ceux qui ne savaient pas. Twitter.com/public domain. Essayons de faire un petit guide de ce qui s'est passé sur Internet cette semaine. Il y en a eu beaucoup de choses. Commençons par un petit vidéo. Vous avez peut-être vu il y a quelques temps de cela Little Daft Punk, hein? Dante Never Dies, et la personne, le groupe qui a fait ça. Maintenant, ben, ils prennent des personnages de Little Big Planet et les amènent dans des parodies de Fatboy Slim, Chemical Brothers, Prodigy, Justice, Moloko et d'autres. Allez voir la vidéo, c'est vraiment joli et mignon, je dirais. Voilà. C'est sur unechance.com, comme toujours. Ensuite, sur inbflat.net, inbflat.net. C'est des vidéos YouTube placées un à côté de l'autre de gens qui jouent des instruments et ils sont faits pour aller ensemble. Vous pouvez les jouer ensemble un peu l'un et l'autre, tous, juste un groupe, juste les deux ici ou n'importe quel. Et puis ça va faire de la musique. Je ne vais pas vous le faire jouer à la radio en ce moment, mais bref, inbflat.net. Le concept est très intriguant. Je pense qu'il y en a même une qui joue avec son Nintendo DS. Ensuite, vous vous rappelez peut-être Mike Tyson's Punch-Out, le jeu de boxe pour la NES qui va être refait, qui sort pour la Wii très bientôt. Bref, quelqu'un a pris une vidéo de Mike Tyson en train de faire des mouvements de bras et a fait un hommage à Mike Tyson's Punch-Out avec le petit bonhomme de Punch-Out en bas. C'est beau. Allez voir ça sur lunechance.com. Ensuite, qu'est-ce que je vois ici? Ah tiens. C'est la table périodique des super-héros. Oui, c'est Mike qui a pris le temps de faire une table périodique pour ses super-héros préférés. Vous pouvez voir la liste dans l'article, la clé aussi, comment dire, chaque personnage, qui est-il, pour ceux qui veulent le savoir. Cliquez sur l'image aussi pour sur le lien dans l'article pour le voir en plus gros, voir la table au complet, en beaucoup plus gros. J'aime ça. Ça vient de geekology.com. Ensuite, un autre gars, lui, a pris des choses qu'il avait à portée de main, des tubes de cuivre et du métal très tranchant, pour se faire des griffes Wolverine. Assez impressionnant et assez génial comment le système fonctionne, là, que ça sort d'un coup sec, clac, et là, tu peux frapper, par exemple, dans une boîte, comme il l'a fait dans la vidéo sur l'article. Il fait aussi avec du styromousse dans la deuxième vidéo, une vidéo qui montre comment il a fait pour faire ça. C'est... super griffe Wolverine. Un article sur le site de Game Politics vire les têtes des gens sur Internet en ce moment. Ça parle de nouveaux jeux basés sur la superbe griffe porcine qui se propage sur Internet sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Donc, il y a des jeux comme Stop Swine Flu où on vous demande de propager la maladie dans une foule en éternuant sur autant de gens que possible. Manque de goût. Inapproprié, peut-être, oui. Le fun, je sais pas, mais allez voir l'article unechance.com. Il y a aussi Swine Flu Epidemic, qui est populaire sur Internet en ce moment, où on doit envoyer des cochons infectés de l'autre côté de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, avec un slingshot. Très, très classe, tout ça. Très classe. Une vidéo que j'ai beaucoup aimé cette semaine sur Onion News Network, un de mes sites préférés, qui est un site de parodie de nouvelles à la CNN. Des Onion qui font aussi un site web et un journal de nouvelles parodiés. Bref, Onion News Network, ONN, pourquoi les Trekkies n'aime pas le nouveau Star Trek, et là, ça y va en détail, mais en bref, là, ça raconte que Star Trek est divertissant, amusant et rempli d'action, et donc les fans n'aiment pas ça parce que c'est pas fidèle à la série originale. Il était plate, c'est ce qu'ils disent. Bref, allez voir cette vidéo-là sur lunchhour.com. Toujours dans le domaine du Star Trek qui sort cette semaine. De Star Trek, de Sex Trek, The Next Penetration, jusqu'à Deep Space 69 et SexyTrek.com, un site de fétiche. Donc, la galaxie de la porno Star Trek continue de grandir, dit Boing Boing Gadget. Donc, le site IO9 a compilé un guide fascinant de vidéos, photos et liens. Évidemment qu'il ne faudrait pas regarder au travail, mais tout ça avec des parodies de Star Trek. Même qu'ils vont très, très sérieusement, hein, les gens qui font de la porno de Star Trek, ils prennent les faits et les choses qui se sont passées dans la série, ou le fait que telle est l'ancienne fiancée de l'autre, ici puis ça, et puis ça marche dans la porno, ces faits-là. Tout est véridique et vérifié. Grand Theft Auto Chariot Hard Wars sur le Nintendo DS, vous connaissez le jeu, très populaire en ce moment, et bien vous pouvez maintenant faire et recréer des véhicules et des personnages de Grand Theft Auto Chariot Hard Wars en papier. En genre d'origami. Vous pouvez même faire un buste du héros Huang Li lui-même. Il va y avoir 9 modèles éventuellement, dont les 5 qui sont sortis présentement et d'autres qui le seront plus tard. Donc allez voir Chinatown Wars Papercraft Models. Ça vient du site Rockstar Games, leur socialclub.rockstargames.com. Mais bref, c'est sur lunchance.com aussi. Donc allez-y dans la section autour du net. Sinon, il y a une parodie, c'est fait en quoi ça? C'est un automaton qu'on appelle. Je connais pas la technique au complet, mais bref, c'est une parodie du célèbre vidéo virale Don't Tase Me Bro, avec des figurines mécaniques adorables. Voilà. Donc, c'est en tout cas, il y a un concept de tu tournes une manivelle et les choses se passent là avec des genres de rondelles. En tout cas, bref, allez voir la vidéo Don't Tase Me Bro, automaton. Hein, pourquoi aller dans les détails quand tu ne connais pas ça? Article de MagGénération.com qui m'a intrigué, c'est on se rappelle que la photo hypothétique de Netbook Apple a été propagée sur le net. Mais la réalité de la chose est plus amusante qu'on aurait imaginé, dit l'article. Le point de Photoshop, comme on le supposait, au vu de ce design de MacBook datant de 2006, mais une chimère en bois, en vrai bois. Donc ce simili portable a été réalisé en bois par un étudiant qui a pris soin de reproduire au crayon tous les détails et de prévoir un mécanisme d'ouverture de l'écran agrémenté d'une décoration illustrant tout ce qu'on peut faire avec son Mac et qui surgit de l'écran avec une tirette. Donc Gizmodo montre tout ça sous toutes les coutures. Allez voir lunchance.com pour le lien, le netbook Apple qui sonnait creux. Et finalement, ça c'est un de mes moments que j'ai bien aimé cette semaine, ça. C'est sur le site de thenextweb.com. La vidéo est hébergée sur Vidler. C'est un gars dans un pays quelconque, avec une langue quelconque, qui est en train de faire une présentation, sur PowerPoint, mettons, en habit devant ses collègues et devant plein de gens bien importants, on s'en doute. Quand ça fait longtemps qu'à un moment donné, qu'il lit son texte, et puis là, l'écran de veille embarque, et qu'est-ce qu'on voit? On voit des choses qu'on ne devrait peut-être pas voir dans un écran de veille, dans une discussion comme celle-là. Je vous épargne les détails assez graphiques. Allez voir lunchhour.com pour Embarrassing Porn Screensaver. Ah oui, ça fait mal. On dirait qu'il me fait attendre des fois un petit peu. Bref, tour du net, des choses qui se sont passées les plus intéressantes sur Internet cette semaine, selon moi-même. Commençons par... on va dire dès le départ que s'il y a quelque chose qui a rapport avec Mario sur Internet, probablement que je vais en parler, tu sais. Comme un héros à moi, tu sais, c'est comme ma religion un peu, si on veut. Donc sur le site pixelatedgeek.com, on vous présente des œuvres d'art basées sur Mario. 10 œuvres d'art. Et là, non seulement 10, mais c'était tellement populaire ce petit billet sur pixelatedgeek.com qu'ils ont décidé d'en faire plein d'autres. Donc on peut voir là-dessus Mario et Luigi lancer des légumes à des animaux dans Mario Bros 2. Sinon, il y a aussi y a des œuvres d'art de Star Wars, un peu. Il y a Mario et Donkey Kong en train de prendre une bière sur les échafaudages du jeu Donkey Kong. Plein de choses comme ça. Allez voir, c'est très, très, très mon genre de choses. Je regarderai ça toute la journée, moi. J'en utiliserai comme fond d'écran, même. Ensuite, sur boingboing.net, on fait référence à un nouveau blog, un nouveau Tumblr, comme on appelle Tumblr, qui est un service d'hébergement de blogs, mais de petits blogs rapides. Une photo, un petit poème, une petite chanson, des affaires comme ça. Donc, si vous allez sur hospitalfood.tumblr.com, Tumblr qui est comme T-U-M-B-L-R, donc sans le E, parce que c'est à la mode faire ça. Donc, c'est vraiment littéralement des photos de bouffe d'hôpital. C'est tout ce qu'il y a de plus simple, des petits textes pour expliquer qu'est-ce qu'il y a dans ces repas-là. J'adore le concept. Je trouve ça vraiment divertissant. Des petits sandwichs, des petites carottes, des pains de viande. Ah, c'est beau, du jello. J'adore. Sur Mashable.com, on fait référence à une vidéo de College Humor. Donc, non seulement Twitter est à la mode en ce moment, mais Facebook l'est toujours. Et Twitter a eu le traitement College Humor la semaine dernière. On en parlait à CNX cette semaine. Ben, c'est Facebook. Et là, on parle surtout de la mode sur Facebook présentement, qui est de... C'est comme le nouveau spam de 2009. Vous devez partager 25 choses à votre sujet et ensuite étiqueter des gens dans votre note pour qu'ils fassent la même chose. Là, les autres font 25 choses, puis etc., etc. Donc, ils ont pris la pièce de Miley Cyrus, « Seven Things I Hate About You ». Ils ont fait une parodie de ça, 25 choses au hasard, « 25 Random Things ». Sur DominiqueCarpin.ca, on aime toujours ce Dominique Carpin, comme il a pu trouver des choses divertissantes. Il parle de Eclectic Method, qui est un groupe de Londres qui se spécialise dans le remixage audio-vidéo. Donc, c'est des DJ de l'image, si on veut. Leur dernière création s'appelle The Tarantino Mixtape. C'est une merveille, dit-il, pour quiconque qui a trippé sur Pulp Fiction, Kill Bill et Reservoir Dogs. Donc, c'est 7 minutes de montage sublime de différentes scènes. Donc, on appelle ça un mash-up. Très à la mode en ce moment et depuis pas mal longtemps de faire des mash-ups sur Internet. Donc, écoutons un tout petit peu. Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut écouter ça? Oui. Donc, littéralement, on vous montre différentes scènes de différents films de Quentin Tarantino mélangées entre elles. Donc, on peut voir des scènes qui se répètent souvent dans plusieurs de ses films. Bon, c'est ouvrir une valise, mettons, on peut voir les gens dans la valise. Bon. C'est à la mode pour lui, il fait ça tout le temps. Avec de la musique et des phrases. Si on avance plus loin, des scènes de fusil, des scènes d'action, des choses qui explosent. C'est juste le fun à regarder pour les fans de Quentin Tarantino. Donc, allez voir sur unechance.com. On va rester dans les vidéos et musiques, différentes choses comme ça. Donc, on parle du Project Through You par Cutie Man qui donc prend des échantillons de différentes vidéos sur YouTube et crée de la nouvelle musique. Les résultats sont impressionnants selon geekology.com. On va écouter un petit peu. Bon, c'est un mélange de différentes vidéos sur YouTube qui n'ont pas rapport ensemble. Ils sont mis ensemble pour faire ce projet-là Through You. Je vais vous décrire un petit peu. Là, on a vu quelqu'un jouer du genre de violon. Là, on voit quelqu'un qui joue du clavier. L'autre, qui joue avec une canne. C'est la première de 7 différentes pièces. Donc, si vous voulez aller retrouver les autres, c'est le projet Through You, qui est au THRU-YOU.com. Que c'est beau. Comment ça vaut la peine d'être vu quand même? On voit même quelqu'un chanter ici. Là, on la voit visuellement chanter. Bref, vidéo intéressante. Allez voir lunechance.com pour suivre le lien. Ensuite, l'artiste Jonathan Colton, que vous connaissez peut-être parce qu'il est très, très geek. Il fait beaucoup de chansons qui ont rapport avec les geeks. Par exemple, des programmeurs de logiciels de jeux vidéo. Là. T'sais, il fait des tunes là-dessus. C'est intéressant. Donc ici, c'est la pièce First of May par Jonathan Colton, performée en langage des signes. Bref, sign language. Par Stephen Torrence, Kevin Saunders et Greg Bradley. Évidemment, je vais pas vous faire jouer ça au complet, mais on voit des gens d'écrire en langage des signes la pièce de Jonathan Colton. C'est une très bonne pièce. Il y a même des choristes en arrière et ça, c'est dur à battre. Bref, Jonathan Colton, artiste que je devrais faire jouer pas mal plus souvent que ça à CNX. J'ai fait jouer avec Cold Monkeys à un moment donné. Excellente pièce d'ailleurs. Peut-être tantôt, on verra. Sinon, c'est vraiment un des vidéos qui a fait le plus le tour du net cette semaine. C'est vraiment très bon. C'est un petit groupe de musique qui est en train de se pratiquer dans un local. Et là, à un moment donné, l'alarme de feu a sonné. Et ils ont joué. Ils ont continué. Un jam. Regardez-le. Moi, en tout cas, j'irai voir ça en tournée, moi, tu sais. C'était super bon. Bref, c'est sur YouTube, mais vous pouvez aller voir unechance.com pour le lien. Sinon, c'est Fire Alarm Jam Session. Tu sais, ça sonne comme super bien, je trouve. J'adore ça. Vous êtes dans la section Autour du Net de CNX, l'émission la plus geek de la radio, je vous le rappelle. J'ai posté sur unechance.com Surfing for Seniors. Surfing for Seniors, qui est un genre de, pas un documentaire, mais un vidéo didacticiel, si on veut, pour les vieilles personnes qui leur dit comment utiliser un ordinateur. C'est sorti en 97, cette vidéo-là. Et ça devait leur enseigner comment utiliser un ordinateur, l'Internet, etc., etc. Mais en le voyant, c'est drôle et ça prend vraiment les vieilles personnes pour des imbéciles. Donc, j'aime ça. Allez voir, c'est sur switch.com. Mais le lien est comme toujours dans la section autour du net du www.unechance.com. Et je le rappelle, comme toujours, que les liens sont placés dans l'ordre que j'ai mentionné dans l'émission. Donc, bref, vous allez trouver ça assez facilement. Les gens pensent que c'est compliqué d'aller voir l'unechance.com, mais non. Cliquez sur l'émission la plus récente, juste en bas du titre. Là, ça dit CNX. Cliquez et les liens sont là. Hein? Bref. Le site Last Google, qui est au lastgoogle.com, bien évidemment. Certaines recherches vont vous renvoyer des millions de résultats sur Google, mais les chances sont que vous ne regardez que les premières pages. Hein? Est-ce que j'ai raison? Je sais que j'ai raison. Si vous êtes demandé ce qu'il y a à la toute fin de l'arc-en-ciel, Last Google peut vous aider. Hein? Le site ne rend pas votre vie plus facile ou recherche encore plus productive. Non, ce que ça fait, c'est que ça vous montre les derniers résultats dans l'index de Google pour une demande en particulier. Donc, vous n'allez certainement pas trouver ce que vous cherchez. C'est un peu ça, mais c'est drôle. Pour compléter l'effet, en plus de la blague, il y a un bouton « I'm feeling unlucky ». Donc, j'ai pas de chance. Un bouton qui va présenter une photo qui pourrait ne pas avoir rien à voir avec votre recherche. C'est cool. Lastgoogle.com. C'est qu'il y en a qui ont de l'argent et du temps à perdre. C'est ça. Ensuite, tiens, je vous le montrerai pas celui-là, c'est une autre vidéo, mais je l'ai pas ouvert sur mon autre ordinateur. Battlestar Galactica, bien des gens sont fans de ça, il y a des fans de Dallas aussi, et leur générique d'ouverture absolument fromagé, comme j'ai dit, cheesy, où la distribution fait une petite pause pour la caméra. Cling, cling, clin d'œil. Hein? C'est ce que j'aime le plus, regarder des vieux thèmes d'émissions de télé comme ça. Bref, sur tvsquad.com, on vous présente ce mash-up entre Battlestar Galactica et Dallas, qu'on a trouvé sur galacticacitrep.blogspot.com. Allez voir ça, ça ressemble un petit peu à ce que j'avais montré il y a quelques semaines, avec, je ne me rappelle plus quelle autre série je vous avais présentée, qui était mélangée avec Star Wars. Bref, allez voir ça, j'adore. J'aimerais ça qu'ils en fassent plus souvent, des affaires comme ça. Il y en a des millions sur Internet, mais des millions, c'est jamais assez. Troisième bloc autour du net pour cette semaine. Il y en a beaucoup de choses qui sont passées sur Internet, donc il faut en parler des fois. Commençons, on va y aller très rapidement ce coup-ci. Worth 1000, qui est un site de Photoshop. Vous connaissez peut-être les gens. Bon, on leur donne un thème et là, ils doivent remonter quelque chose avec Photoshop, là, des photos ensemble, faire des montages, des trucs. C'est super le fun comme site Worth 1000. Cette fois-ci, ils ont pris des dessins animés et les ont mis dans des œuvres d'art contemporaines ou pas, ou vieilles, ou classiques. C'est super joli et là, c'est vraiment des montages photos. Voilà. Les liens sont toujours sur le www.unechance.com, comme toujours. C'est difficile de s'imaginer le chiffre 426 000. C'est le nombre de téléphones cellulaires qui sont jetés à chaque jour aux États-Unis. Seulement aux États-Unis. 426 000. Donc, l'artiste Chris Jordan a pris le nom. Je ne sais pas comment il a pris ça. Sûrement par Photoshop, ça aussi. On voit un plan agrandi sur le site, mais cliquez pour l'image complète de ce que ça a l'air, 426 000 téléphones qui sont jetés par jour. Ensuite, passer un cellulaire au micro-ondes, c'est quelque chose de cool, dit le site boingboing.net. Donc, allez voir la vidéo. C'est quelque chose à voir. Un cellulaire dans un micro-ondes. Crack.com, qui est toujours aussi drôle. C'est un site d'humour, Cracked.com. Et ici, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des scènes de la vraie vie. Et ils ont fait, si c'était Microsoft qui les avait fait. Donc, si Microsoft faisait des événements de la vie de tous les jours, par exemple, bon, tu vas aux toilettes, et là, tu as le Clippy, comme dans Microsoft Word, le petit trombone qui s'allume et qui dit « Tu es sous et tu essaies de faire pipi, est-ce que tu veux de mon aide? Est-ce que tu as besoin d'un viseur? Non. Ou encore, besoin d'aide? » Hein? Ou pourquoi pas des cannes de fèves, de petits pois. Et il y a cannes de petits pois, version familiale et version professionnelle. Un coûte 99 cents, l'autre 50$. Bref, et aussi, on voit si Microsoft était le propriétaire de Google. En tout cas, allez voir ça, c'est sur thenextweb.com. Cherchez sur le unechance.com dans la section autour du net. Nouveau blog. Blog a une seule utilité, mound.blogspot.com. Mais mound avec quoi? 1, 2, 3, 4, 4M. Mound.blogspot.com. Si ça s'empile, on les met sur le site, c'est ce qu'ils disent. Donc, on peut voir des photos de piles de pneus, de, je sais pas, des affaires de clôture, des armes à feu, de la viande, plein de choses qui s'empilent. Des bonbons, même. Oh, joli. OK, bref, mound.blogspot.com. Il y a 4 M. O-U-N-D.blogspot.com. Qu'est-ce qu'on fait quand on était un technicien? Quand on est un technicien de rayon X dans un des plus gros hôpitaux du nord de certains endroits. Bref, peu importe, là, je traduirai pas ces noms de villes-là. Donc, c'est que vous amenez votre collection de jeux vidéo, de consoles de jeux et d'accessoires. Vous les envoyez dans la machine de rayon X et la galerie montre de quoi ont l'air les intérieurs de ces consoles de jeux vidéo-là, de ces manettes-là. C'est sur le site joystick.com qu'on peut trouver ça. Venez passer par le site au www.unechance.com à la galerie de plusieurs photos de plusieurs consoles. Sur Flickr, l'adresse est longue. Il va falloir aller voir les notes de l'émission. Mais on présente des photos, un photoshoot, donc un shooting photo basé sur le jeu Mirror's Edge. Vous connaissez le jeu Mirror's Edge sur PlayStation 3, entre autres, qui est un jeu de parcours. Donc, on saute sur les murs. C'est génial, j'adore le principe de jeu-là. J'ai pas encore pu jouer parce que j'ai pas de PlayStation 3, mais bref, shooting photo qui essaie de reproduire les scènes de Mirror's Edge. Un gars qui n'est pas content de son MacBook Air parce que la peinture s'est cassée. Apparemment, bien des gens ont une peinture cassée sur leur MacBook Air. Le gars est tellement fâché, et là, je vous conseille pas de faire ça et je vous conseille même pas de voir la vidéo parce que c'est trop fâchant de voir des scènes comme ça. Le gars prend un couteau et met le couteau dans l'écran de son MacBook Air. Je veux fesser le gars à cause de ça. C'est pas fin. Pas ça. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va l'utiliser, ce MacBook Air-là, même si, tu sais, même si une peinture est brisée. Je pense que tu peux le donner à quelqu'un à la place de le briser. Mais bref, je suis pas là pour y faire la morale, hein. C'est un peu ce que j'ai fait quand même. Toujours l'heure de quelque chose avec moi. Tout le temps, je dis ça, c'est l'heure de. Ça n'a pas rapport pantoute. Bref, on commence avec un article vu sur thenextweb.com. C'est un hacker qui a réussi à accéder à l'interface administrateur de Twitter, le site de microblogage, je dirais en français. C'était posté par le blog français Corben. L'adresse de la section administration est admin.twitter.com/admin, mais il faut un mot de passe pour rentrer. Bref, la personne qui a pris les photos a essayé de masquer la personne qu'il est en cachant sa photo de profil, mais il a laissé son dernier tweet, son dernier statut sur Twitter. Et là, c'était facile de le retrouver. C'est le gars qui a posté ces photos-là, qui est supposément un hacker. C'est le product manager chez Twitter, Jason Goldman. C'est quand même fin de sa part. Hein. Mais allez voir ça, c'est assez intriguant de voir comment un site aussi gros que Twitter, parce que c'est vraiment un des sites les plus populaires en ce moment, tout le monde en parle. Si vous n'avez pas encore entendu parler de ça, ben c'est comme le... En bref, là, c'est un peu comme le statut de Facebook, mais seulement ça. Et puis les gens peuvent se renvoyer la balle et répondre aux messages des autres. On apprend souvent des nouvelles là-dessus avant de les entendre ailleurs ou de les voir ailleurs. Et on peut s'envoyer des photos, des vidéos, des liens intéressants, n'importe quoi. C'est comme une communauté, c'est comme un MSN, mais avec tous ses amis en même temps. Genre, voilà. Vous pouvez suivre du monde et vous faire suivre. Bref, l'interface administrateur, je trouvais ça intéressant. C'est sur thenextweb.com. Passez par le site de l'émission au www.unechance.com pour le lien. Qu'est-ce que ça donne quand on combine deux presque sectes, le Mac et le Lego? Hein? Eh bien, c'est ce que s'est demandé Bjorn Tveskov, qui a pris un cadre photo de 7 pouces qui ressemble un peu à l'écran du iMac G4 et a décidé de créer une mini-version de ça, de son iMac G4, avec des éléments Lego, des blocs Lego. Donc, littéralement, il a reconstruit le iMac G4, là, celui qui ressemblait un petit peu à une lampe, là, et puis en bloc Lego. Et puis, c'est pas fonctionnel en tant que tel, parce que c'est pas un Mac pour vrai, ça. Mais bref, on peut montrer des images dessus, on peut montrer des images, des vidéos, et même la télé, parce qu'il y a un tuner TV dans le cadre qu'il a utilisé pour faire ça. Mais bref, c'est juste fait pour avoir l'air d'un iMac G4. C'en est pas un pour vrai. Votre statut, on parlait de statut sur Facebook ou sur Twitter, est peut-être pour vous très intelligent, très drôle, très bien pensé, hein? Mais est-ce que ça peut aussi être de l'art? Mm-hmm. Un artiste croit que oui, parce que c'est les mises à jour de statut de Facebook de ses amis, elle croit qu'ils sont assez remarquables, ou peut-être assez mondains, qu'on dit en français, je crois, en tout cas, pour devenir des chefs-d'œuvre. Donc c'est Stacy Williams NG, qui fait présentement une exposition à Wauwatosa, au Wisconsin. C'est des peintures à l'huile basées sur les mises à jour de statuts de Facebook de ses amis. C'est un article dans le Journal Sentinel qui écrivait qu'elle sélectionne des phrases de ses 247 amis dans leur vie comme ça de tous les jours. Et puis, elle fait des œuvres d'art avec ça, avec le statut à l'intérieur de son œuvre. Donc, c'est des interprétations artistiques. Et je trouve ça fascinant. Ça, c'est sur Mashable.com. Un nouveau blog est né, le Type Nesting Tumblr blog. Tumblr, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas Twitter et c'est pas WordPress, c'est pas d'autres web 2.0. Non, Tumblr, c'est un système de blog rapide. Plus, snip-snap. Là, on poste une photo, on poste une phrase, on poste un poème, une vidéo, n'importe quoi. Sans vraiment mettre tant de texte que ça autour. C'est fait pour être un genre de blog, mais plus condensé. Plus, en petite dose, si on veut. Bref, le Type Nesting Tumblr Blog, c'est un blog sur Tumblr de oiseaux dans des lettres de commerce. Pourquoi un blog là-dessus? Ben, c'est ça, Tumblr. C'est des blogs rapides, de même sur une seule idée. Donc ici, on se demande si les oiseaux ont des polices préférées. Il va falloir aller voir le Type Nesting Tumblr, sans le E, T-U-M-B-L-R.com. Et c'est vraiment littéralement des photos d'oiseaux qui sont dans des logos de compagnie. Par exemple, sur un magasin, bon, il y a des lettres. En tout cas, j'ai besoin de vous l'expliquer tant que ça, il me semble. Hein? Allez voir à la place. Hein? Sur lunechance.com, tous les liens sont là, évidemment. JoshPauline.com, ça c'est un autre et qu'il faudrait le site que j'ai mentionné plus tôt pour la prononciation des noms de famille. JoshPauline.com, /modernhistory.html. C'est une série de collages qui sont assemblés à partir de captures d'écran de vidéos sur YouTube. C'est un travail en construction, qu'on pourrait dire, et le site va être mis à jour de temps en temps. Mais bref, il prend des photos de YouTube, juste de la vidéo, juste une capture d'écran de la vidéo sur YouTube, et il lui donne des titres. Donc là, ils sont agrandis en plus, donc on voit vraiment là, comment les vidéos sont mal compressées sur YouTube, comment c'est vraiment laid. Et bref, c'est ça, allez voir Burn Down the Disco, ou encore Bon Jovi Summit Meeting, ou Call of Duty. Tout ça sur le site de Josh Pauline, passé par le www.unechance.com, comme toujours. Un projet fascinant pour les geeks, je trouve. On appelle ça du face mining. C'est sur le site de pitpat.com, facemining.pitpat.com. C'est Star Trek, à la base. On prend les épisodes de la série originale, je crois, de Star Trek. Et puis, on trouve quel personnage apparaît quand dans la série. Et c'est un genre d'algorithme, de mathématiques, quelque chose du genre de détection des visages qui vous montre qui est où dans la série avec des carrés. Et à gauche du vidéo que vous choisissez, qui est une vidéo sur YouTube, pas mal tout le temps sur YouTube, je crois, oui, tout le temps. Bref, les faces apparaissent à gauche avec chacune de leurs émotions et vous pouvez cliquer sur chacune des images pour vous rendre dans le vidéo où est située cette personne-là. Ah, donc, vous choisissez un épisode, l'épisode 3, l'épisode 30, 42, ils sont pas tous faits, ce que je vois. Vous pouvez y aller par saison aussi. Et puis là, ça demande, mais pourquoi? Hein? Pourquoi en bas de la page? Bref, il voulait naviguer à des scènes intéressantes, chercher des gens spécifiques, faire des liens vers des scènes... inclure des scènes intéressantes dans d'autres médias, par exemple les blogs. Bref, ils ont plein de raisons. Je trouve juste ça drôle à voir. Vous cliquez sur l'épisode et là, vous voyez littéralement les faces des gens à être encadrés en temps réel. Et on trouve... qui va où. Et puis il y a même des personnages qui sont comme pas détectés, on sait pas c'est qui, ça leur donne des numéros, vous pouvez quand même vous rendre à cette place-là dans le vidéo, voir la personne qui n'est pas détectée correctement. Bref, Pittsburgh Pattern Recognition, c'est au facemining.pitpat.com, voilà. Sur le site thenextweb.com, on parle de gang, si on veut, de signes de gang. Comment on dit ça avec les mains? C'est comme on fait des signes de gangsta. Hein? Bref, mais pour des compagnies. Hein? Bizarre, mais pourquoi pas. Ici, on vous montre comment faire le signe pour World of Warcraft. Wow! Il y a aussi Facebook en faisant un F et un B avec vos mains. Google, et là, le Google est vraiment beau. Allez voir ça. Sinon, il y en a beaucoup plus sur le Startup Signs avec un S.com, startupsigns.com. Toujours sur le même site de nextweb.com qui poste souvent des articles vraiment très intéressants, les gars chez Web Designer Depot ont rassemblé une liste d'images, de captures d'écran de différents systèmes d'exploitation qui datent de jusqu'à il y a 30 ans. Donc si vous n'avez pas encore vu de quoi avaient l'air les systèmes d'exploitation d'il y a 30 ans, il faut aller voir ça. On commence par le Xerox 90 Star qui est sorti en 1981, mais en fait ça c'est pas le premier sur la liste, je crois que c'est seulement le premier que les gens de NextWeb ont trouvé beau. Bref, ça donne vraiment comme l'impression que c'est le même système qu'aujourd'hui, mais en noir et blanc, parce que les idées d'il y a 30 ans ressemblent pas mal aux idées d'aujourd'hui. En regardant les icônes et comment c'est fait, comment c'est placé, les choses n'ont pas tant changé, c'est plus la beauté et la fonctionnalité qui ont changé, mais pas complètement, tu sais. C'est étape par étape. On y va tranquillement, pas vite. Là. On montre le Apple Lisa Office System 1 de 1983, Windows 2.0 de 1987, Mac OS 8 de 97, Mac OS Leopard qui est sorti en 2007 et GNOME 2.24 en 2008. Même une capture d'écran de Windows 7 Release Candidate 1. Bref, allez voir ça. C'est sur lunechance.com dans la section autour du net. Et puis, petit dernier, tiens, nismlab.com. Ça aide pas avec leur nom, mais nismlab, N-I-Z-M-lab.com, qui est un site de partage de vidéos. Et à la place de faire comme sur YouTube avec leurs most popular videos, dans le fond, ce que nismlab trouvait que la section vidéos les plus populaires de YouTube était complètement nulle. Parce que ça veut pas dire que les gens ne regardent que c'est intéressant, tu sais. Hein? Ça peut être vraiment plate, ça peut être des niaiseries, ça peut être bébé, un peu, des fois. Donc, nismlab.com dit avec un tantinet de prétention que c'est un site de partage vidéo dont les éditeurs ont du goût. Tu sais, ils disent catégoriser et coter les plus récents et les plus intéressants vidéos sur Internet en ce moment. Donc, ils trouvent des vidéos qui valent la peine d'être regardées. C'est ce qu'ils disent dans leur petite introduction. « We find videos worth watching ». Un petit peu fendant, ces barres, mais bref, en tant qu'ils le fassent, c'est le fun. Donc, nismlab.com. Et là-dessus, on peut voir des bandes annonces de différents films. On peut voir des extraits d'émissions qui sont drôles ou intéressants. Des vidéoclips, Price is Right, des animations, n'importe quoi. Et on peut même aller vers la page des éditeurs du site parce que c'est de vrais gens qui trouvent de vrais bons vidéos. Ils ont du goût, ils ont des capacités et des super pouvoirs. C'est ce qu'ils disent. Des habiletés, qu'on pourrait dire. Bref, voilà, nismlab.com. C'est l'adresse nismlab.com si vous voulez trouver des vidéos intéressantes plus que ceux qui sont sur la page d'accueil de YouTube. Parce qu'il se passe trop de choses sur Internet pour ne faire qu'une seule chronique des fois. Ça arrive. Il y a des scènes qui sont remplies. Bref, commençons par un article que j'ai vu sur premiere.com, qui est un résumé des vedettes du cinéma qui meurent le plus souvent. Et là, je vais pas vous révéler rien, parce qu'évidemment, c'est rempli de spoilers, comme diraient les gens sur Internet. Là. Ça vous révèle des choses, des punchs. Mais bref, c'est divisé en catégories du nombre de morts. Donc, disons qu'il y en a qui s'en sortent bien, plus que d'autres. Et la liste est quand même longue. Donc, allez voir sur le unechance.com dans la section autour du net 2. Tout est classé en ordre sur lunechance.com. C'est facile de s'y retrouver. La même chose pour... en fait, celui-là n'est pas sur le site. Je vous le donne quand même. Ça va avec l'autre d'avant. Cinémorgue.com, sans l'accent, qui est un site qui répertorie vraiment les morts de chaque acteur presque d'Hollywood. Et ça, c'est mis à jour là, vraiment très régulièrement. La dernière mise à jour des acteurs est le 27 avril. C'est super récent. Bref, allez voir cinémorgue.com. C'est très intéressant. Sur Switch.com, maintenant, on mentionne dans les liens, il va falloir cliquer là, sur This Retrospective Flickr Stream là, dans le premier article en dessous de l'image. Bref, en l'honneur des 100 premiers jours de Barack Obama à la Maison-Blanche, la Maison-Blanche en question continue de montrer une grande ouverture aux nouveaux médias et à Internet en offrant un Stream Flickr. Ça, c'est un site d'hébergement de photos gratuit. Mais bref, ils ont sûrement un compte pro, eux autres, hein? Bref, ça montre les 100 premiers jours de Barack Obama à la Maison-Blanche en photo, en centaines de photos. On peut voir Obama lancer un ballon de football dans le bureau ovale et la famille au complet qui joue avec les nouvelles balançoires de la Maison-Blanche. Bref, c'est un beau petit regard dans le monde du président et de sa famille. Sur offworld.com, un de mes sites de jeux vidéo préférés, on montre un défi bricolage de la semaine. Si vous aimez faire des choses avec du papier, hein, et que vous aimez les jeux vidéo, peut-être connaissez-vous Castle Crashers, qui est un jeu sur Xbox Live Arcade avec le nom ne me vient pas. Chevalier, voilà. Donc créez vos propres chevaliers en papier. Les modèles sont là. Il y a aussi d'autres jeux, par exemple Pokémon, Elebits et Animal Crossing disponibles sur le site. C'est tout ça. Sur le site de nifty.com, mais le lien est dans l'article. Allez voir lunechance.com. Suivez en bas, là. Il y a un petit lien available here, là. C'est là. Puis sinon, il y a Created a Zone. En tout cas, bref, suivez les liens. C'est toujours ça sur les articles, hein. Moi, je mets les liens vers les articles qui parlent de quelque chose au lieu de mettre vers le site en tant que tel. C'est juste pour que j'ai de quoi à dire de plus, hein. J'essaie de me rendre intéressant. Bref, suivez les liens sur lunechance.com. Tout est là. Même chose pour le prochain lien qui est la timeline définitive de Game Boy, parce que le Game Boy a célébré un grand anniversaire. Là. Si je regarde, est-ce que j'aurais pu regarder comme fou mes dates? c'est 20e anniversaire, hein? C'est bien le 20e anniversaire. Oui, c'est en 89 que le Game Boy est sorti, l'original, et on est en 2009 aux dernières nouvelles. Mais bref, le timeline ici donne plus d'informations que ça. Ça commence en 1889 quand Nintendo a été fondé par Fusajiro Yamauchi. Et ils vendaient des cartes à jouer. Mais bref, ça, c'est plus l'histoire de Nintendo, là, mais la timeline devient l'histoire du Game Boy avec le temps. Disons qu'avec plusieurs années. En 1952, Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario, Zelda, Star Fox, F-Zero, Pikmin et Nintendogs, co-créateur de Donkey Kong et le roi des jeux vidéo, est né. Hein? Et là, ça va jusqu'à la fin, jusqu'au plus récent DSi qui est sorti cette année, il y a quelques mois à peine. Et j'en veux tellement trois. Un Nintendo DSi, je capote. Un jour peut-être, mais pour l'instant, je vais me satisfaire de ma DS Lite. Pourquoi pas. Bref, merci à Gizmodo pour cette timeline très jolie qui ferait peut-être un beau fond d'écran, qu'en sais-je. Allez voir ça. Repéré par Compétence Mac sur le site de Culture Pub, une jolie collection de publicités Apple a été citée par MacGeneration.com. Un peu plus de 80 pubs vidéo. On y trouve quantité de spots de l'actuelle campagne Get a Mac, mais aussi de très anciennes comme la française L'Héritier ou Le Cauchemar, aussi les Think Different, celles des tout premiers Power Macintosh ou toutes celles qui associaient des tubes de rock, de blues aux nouvelles couleurs des iMac. Bref, allez voir sur le site unechance.com le lien culture pub, 80 clips Apple de tous âges. Ensuite, passons à quelque chose que j'ai trouvé sur found.com. C'est le nouveau blog Faces in Places. Et là, si vous allez sur le lien Faces in Places d'unechance.com, vous allez pouvoir cliquer sur le lien en mauve Faces in Places et ça vous mène vers le facesinplaces.blogspot.com qui est littéralement des objets, des choses de la vie de tous les jours qui ressemblent à des figures. Hein? Ça peut être une boîte de carton qui a l'air d'une face. Ça peut être une chose pour faire de l'air là, dans une salle de bain qui ressemble à un personnage de dessin animé. Ça peut être une motocyclette qui a son exhaust ou je sais pas trop quoi a l'air d'une face. Bref, très inutile. C'est un peu comme le Tumblr que j'ai mentionné un petit peu plus tôt dans l'émission. Mais bref, il y en a beaucoup des sites à une seule utilité ou à un seul but, comme ça. La semaine passée, c'était des messages qui comprenaient le mot caca, tu sais. Bref, on est toujours très, très pertinent et très cohérent à CNX. Donc, c'est facesinplaces.blogspot.com. Et voilà qui est dit, je passe à un autre sujet. Une chose que vous ne pourrez pas aller voir parce que ce n'est plus là. Mais bon, les fans de sport qui aiment les licornes, n'avait qu'à courir vers le ESPN.com, qui est la version américaine de TSN ou RDS, ou comme vous le voulez. Et il fallait juste se rappeler de notre code Konami. Ceux qui ne se rappellent pas du code Konami, là, c'est baba, gauche-droite, BA, enter, dans ce cas-ci, ou start, dans le bon vieux temps. Mais bref, sur le site de ESPN.com, on n'avait qu'à entrer ce code-là, et ça infestait, si on veut, le site web de ESPN avec de très jolis ponies mystiques, ou des licornes. Et ils n'arrêtaient pas de se reproduire en continuant de cliquer comme ça sur le site. Et non seulement il y avait des licornes et des arcs-en-ciel, mais aussi une grande trollée, je dirais, de textes en Comics sans MS. La police préférée de tous les gens. Comics sans MS, c'est tout ce qui est le plus cliché et kitsch. Et avec chaque nouvelle, on ajoutait des mots comme cute, magical ou sparkly, hein, brillant, magique, mignon. Tout ça devant presque chaque phrase, bref. Mais là, ça a été enlevé. ESPN.com a eu la mauvaise idée d'enlever ça. Je trouvais ça cool. Je veux dire, premièrement, qui a eu l'idée de mettre ça là? Sûrement un webmaster qui aime faire des blagues. Deux, qui a trouvé ça? Parce que sérieusement, mettre le code Konami sur un site web, c'est pas tous les jours qu'on fait ça, hein, n'est-ce pas? Et trois, ben, tu sais, il y a personne qui le savait, donc on aurait pu le laisser là. Mais maintenant que tout le monde en parle, ESPN n'avait pas le choix de l'enlever, j'imagine. Mais bon, c'est triste quand ça arrive, des bonheurs comme ça d'Internet qui disparaissent devant nous. Le site Late Night with Jimmy Fallon.com, qui est le site de l'émission Late Night with Jimmy Fallon, pas de .com, nous montre une vidéo de Gizmodo, gizmodo.com, le site de Gadget. Bref, on fait des références et des liens vers d'autres affaires. Hein. Ici, c'est donc la compagnie qui fait les Cheetos, qui a envoyé à Gizmodo le plus gros Cheeto. Je pense qu'on enlève le S quand il n'y a pas de pluriel. Le plus grand Cheeto au monde. C'est Adam, donc, de Gizmodo, qui doit, parce qu'il a accepté la gageure, manger ce Cheeto au complet en le moins de temps possible, j'imagine. Bref, il s'est filmé. On peut voir la vidéo qui dure 2 minutes 17. Donc, ça a été coupé un peu au montage parce que disons que ça doit être très très long manger un gros Cheeto comme ça. Allez voir, il fait le sec au complet, ce Cheeto-là. Et c'est quelque chose. Allez voir sa face à la fin avec plein de fromage dans la face et partout sur son clavier parce que comment dire, le petit quelque chose en plus, c'est peut-être Maybelline. Mais dans ce cas-ci, c'est le clavier le plus cher au monde qui est en dessous. Donc, il a décidé de manger ça sur le plus gros clavier au monde. Le plus cher. Pas le plus gros clavier, le plus cher clavier. Bref, allez voir la vidéo. C'est la seule chose que j'ai à dire. Pour faire une bonne impression, il faut avoir une carte d'affaires souvent à des soirées. Là. Bon, on peut faire des contacts dans ces soirées-là. Il faut traîner ses cartes d'affaires. T'sais, même si tu es le président de Google, tu traînes ta carte tout le temps. Pourquoi ne pas traîner une carte originale? Hein? Meetcards.com est un des sites qui fait le tour du net en ce moment même. Ils vont faire votre carte sur une pièce de viande. Un morceau, une tranche de viande, mais de la vraie viande qui ressemble à de la viande là, t'sais, sèche, là, t'sais, salée en masse. Là. Et là, vous pouvez faire écrire n'importe quel message dessus. C'est juste ça. Vous allez sur meetcards.com, vous leur donnez le texte que vous voulez, ils vont choisir une pièce de viande, badaboum, badabing. C'est dans votre... Ben, peut-être pas votre poche. Je sais pas, dans un sac Ziploc, j'espère, je sais pas. Il me semble que tu veux pas... Bref. Et c'est peut-être bon aussi de donner ça à des gens que tu veux pas qu'ils retiennent ton adresse, parce que c'est sûr qu'ils vont la manger, la viande, à un moment donné. C'est la viande, c'est la viande. Bref, l'article venait de latenightwithjimmyfallon.com aussi. À l'âge de 19 ans seulement, Vera Uvarova de Moscou, voilà, a été hospitalisée après un accident de voiture qui l'a laissée complètement immobile pendant un bout de temps, sauf son bras droit. Donc, 4 jours après l'accident, un ami à elle lui a donné un iPhone et l'appareil est devenu sa connexion visuelle à cette Vera-là parce que son corps, elle était tellement en mauvais état qu'elle pouvait pas se lever, elle pouvait pas voir ses pieds même. Donc, avec son iPhone, elle l'a utilisé à bon escient en postant des photos. Et ça, c'est, ils sont affichés, ces photos-là, à une exposition à la galerie de Moscou, Na Solyanke. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit ça, mais bref, une galerie là, d'art. Et c'est avec le iPhone qu'elle pouvait voir ses pieds pour la première fois depuis un bout de temps. C'est quand même assez incroyable. Sa visite à l'hôpital, voilà, hein, a duré 3 mois presque, mais l'exposition met le spotlight sur les 800 premières heures qui l'ont transformée. C'est pour ça que l'exposition s'appelle 800 Hours on My Back with an iPhone in Hand, How I Was Born Again with the Help of Photography. Hein? 800 heures sur mon dos avec un iPhone dans ma main, comment je suis rené avec l'aide de la photographie. Ouf, c'était douteux ça. Vous pouvez les voir en ligne aussi, ces photos-là. C'est sur une adresse incroyablement longue. Je vais vous laisser aller voir le unechance.com. L'article s'appelle Crash Victim Born Again Thanks to iPhone sur le www.unechance.com. Une chance qu'on a unechance.com. Une chance qu'on a ça parce que sinon, il faudrait que je dise l'adresse au complet. Ce serait pas faisable. Portable de papier. J'adore cette idée-là. C'est vraiment génial. La vidéo s'appelle Notebook, B-O-E-K. C'est par Evelyn Lebook. Hein? Et ce qu'elle a fait, c'est que... En tout cas, c'est du stop-motion, quelque chose du genre. On voit une fille prendre un livre. Et à l'intérieur du livre, il y a des pages et des dessins. Et là, ça fait un portable. Quand tu l'ouvres, ça devient un MacBook, genre. Et là, des vidéos commencent à s'animer sur une interface YouTube. Elle tape sur Google. Elle fait plein de choses avec ça. Et ça... T'as les sons quand elle appuie sur les touches. Ça, c'est malade. T'as même le son d'ouverture de Windows, donc c'est pas un MacBook, mais bref. Et tu l'entends taper sur YouTube, tu l'entends voir des vidéos. Puis en tout cas, c'est vraiment génial, c'est super bien fait. Ça dure pas tant longtemps que ça, là, genre un petit 5 minutes. Là. Très, très, très bien passé comme 5 minutes, je dirais. Un de mes 5 minutes préférées cette semaine. Voilà. C'est sur le blog de MacGénération.com, mais passé par unechance.com. Le lien s'appelle le portable de papier. Et encore une fois, je vais le répéter sans cesse. Les liens sont placés dans l'ordre sur lunechance.com, donc ne me dites pas que vous devez chercher. C'est dans l'ordre. Allez-y par chronique, autour du net 2. C'est un des derniers liens, et le prochain est le dernier du bloc, parce que c'est If T-Pain Produced the CBS Evening News. C'est une vidéo qui fait vraiment le tour du net. Si Vlog est encore en onde, ils en parleraient. Autotune the News. C'est fait par un groupe qui s'appelle The Gregory Brothers, les frères Grégoire, qu'on pourrait dire en français. Ils ont un CD qui sort très bientôt. Ils ont plusieurs pièces sur leur MySpace, sur Facebook, sur leur site web au thegregorybrothers.com. Bref, nous, ce qu'on va faire, c'est aller entendre seulement la version audio de cette vidéo-là, mais il faut aller voir la version vidéo parce que c'est très intriguant à voir. C'est littéralement, on prend des extraits d'émissions de nouvelles et puis on les autotune un peu comme Kanye West ou d'autres artistes, ou Cher pendant un bout. Tu sais, la voix qui s'auto-ajuste pour aller sur une note en particulier, ça s'entend que ça a été modifié par des logiciels quelconques. Ça commence lentement, ça dure 2 minutes environ. Faut entendre le bout avec Katie Couric dans le milieu. Bref, écoutez ça, puis on en parle après. You gotta do it like this. Shawty, ready, set, go. This was a pretty remarkable week on the gay marriage front. First of all, to have a state like Iowa. What you trying to say about Iowa? Not an East Coast state. East Coast. Not a West Coast state. West Coast. In a decision written by a Republican appointee. Hey, Shawty, now you sound so fine. Give me your number, we can bump and grind. Talking about politics all night. Even the club in the morning light. Yeah. Completely carried away. The morning light, yeah. Some of our viewers who strongly support legalizing marijuana. Shawty, five of those calls was for me. Do you think we should legalize pot alone or all drugs, including heroin, cocaine, and meth? My brain says no, but my body says yes. I'm an angry gorilla. I heard you needed me. Now the captain, Richard Phillips, has been successfully rescued. The president has decided to step in front of the spotlight. Ooh, I'm angry. You can't see it, but my forehead's painting. Even take some credit for authorizing the mission. Oh, don't you worry, baby boo. You'll always have an angry gorilla to be angry with you. That's what I do. Just ask Donkey Kong, he's in my crew. At the North Pole, new satellite photos show Arctic ice is melting so fast. Oh snap, how fast? Many scientists now predict it won't be gone within 30 years. Surely you just, I'm on the cardiac arrest, Shawty. Some researchers think it could disappear in just 6 years. Without it, there could be a snowball effect. Oh. With temperatures rising even faster, if we all don't take bold action and take it soon, yeah, we will find ourselves on very thin ice. Very thin ice. Very thin ice. Very thin ice. Hurry, pirates on very thin ice. These pirates are criminals. They are armed gangs on the sea. That means the ocean. The United States does not make concessions or ransom payments to pirates. Embarrassing. Sorry, guys. Spoke said answer. Sorry. I've got to take this. Je crois que oui. Les Gregory Brothers, c'est sur YouTube. Autotune de News, épisode 2, pirates, drogue, mariage gay. Bref, cherchez sur YouTube, sinon allez voir le site unechance.com, le lien est là-dessus. Il y a deux vidéos avec Autotune de News, toujours excellent. On retrouve plein de personnalités des nouvelles, CNN et d'autres. C'est Autotune de News et j'adore ça. Voilà, c'était quelques capsules autour du net diffusées depuis le début de la session d'été 2009. Retrouvez tous les liens sur assemblagerequis.com et on se retrouve pour une autre capsule CNX Extra sûrement un jour. Et soyez là pour la prochaine émission de CNX à la radio parce que c'est une spéciale sur le chiptune. On va passer de la musique de jeux vidéo et de la musique faite à partir de jeux vidéo. C'est jeudi à 11h à CNX. C'est Mathieu Plante, au revoir! Dash.com.